Tu sais, au fond, c'est toujours pareil. Tu te réveilles, tu tombes, tu te relèves. Moi, j'espère juste me réveiller avec les yeux un peu moins fermés qu'hier. En bas rien n'a changé, les frères reculent même plus devant le danger. Prennent des drogues arc-en-ciel pour danser. Rien n'a changé, comme le prix du sang-gé. J'ai pris un peu de bite, c'est un signe de santé. Mec, y'a rien qui changera, je me tape pour le platine. Jusqu'à ce que ma pipe se casse, daronne devant la caisse. Mange des refus de paiement par des caissières en chien de faïence que le vide menace. Le cross fait des roues, la mégane fait des rondes et mon pétard fait des ronds. Ça se monte en un sauce, ça nique les fédéraux, sa vie sert mieux que Federer. Rien n'a changé, pour se marier, faut qu'une connecte 3G. Hessoul, ça va, je suis bientôt rangé. On va bientôt manger, et là tout va changer. Ou bien peut-être enfin, bref, au final ce sera la même. Rien n'a changé, j'ai toujours pas envie de te parler. Je rentre en cabine comme dans le minaret. Allez, retour, placard, on graille de la purée. Et des parloirs fantômes, gros, y'a rien qui a changé. Mes frères se sentent discriminés, mais des gammes timinés. Pas si de balance des PD, comme si c'était normal, comme si c'était banal, on se crête. Garde la pêche ou vas-y, nique ta mère, pélo, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. J'ai une nouvelle meuf, j'ai de nouvelles paires. J'ai peur d'être un tout petit peu matérialiste. Le boudin de bebeu fait la taille d'un balisto. Il se bicrave au pélo qui kiffe les bisties. Je me rends compte que je m'enflamme comme quand j'essaye de draguer la barista. On a trop graillé de baril là. On est venu ce flégon la quicheta. Tu sais tu parles à qui toi. Rien n'a changé depuis l'époque des freestyles. Marianne fraude bitume comme Bavette du T-Max. Le prochain qui crie sur sa meuf en sortie de boîte, il prend une requin dans le plexus, on discute ap. Comment ça se fait, rien n'a changé. J'suis né la tête dure comme un sagem. J'vais skier la routine comme les sachets, comme les je t'aime. Bah ouais rien n'a changé, sacré bordel, ta mère balayeuse pour un fond de salaire. T'as teuté dans le guidon en fond de cinquième. Ton futur dans le bidon d'une belle promesse. Rien n'a changé, ça porte l'œil du côté passager. On se maintient, on essaie de s'arranger. Chez Pôle emploi, y'a pas grand chose pour toi. Mais l'ancien d'à côté, il peut te pousser d'igé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé.